M2A, incorrupt, empathique, à deux émaux. Mal donne X et moi, t'as mal comme X, sexe en émoi. Un peu de matière pour mon ego, j'ai pas rappé. Puis des mois, on saute le parapet. Le regard des autres t'attire, moi j'ai peu de cas de matière. Allez, on se tire, acton, y'a rien qui m'attire. Moi je fais ça pour le plaisir, alors accroche-toi pour me mettre en terre ou pour y mettre un terme. Pour un corrupt cas, et surtout pas pour le terre, terre les cas. Sauf, j'ai déjà assez de mal à contenir les ardeurs de mon petit frère. Fier d'être banlieusard, mais nique ta mère. Dès qu'à l'oser, je me tire à Saint-Maur au Mandé. Viens pas quémander, pourquoi? Que demande le peuple, s'extirpe de sa condition. Nombreux sont les suspects, encore plus de coupables dans les dépositions. Les cons diront, c'est un bolos celui-là, suivons les cons dira-t-on. Bizarrement on milite pas, là où se profile la sédition. Tel un assainissement par de multiples agressions. Médias, alliés d'État, et si c'est ça trauma. Maintenant je suis là pour M2A, EMPA, THIK. Et dans ce cas-là on est plein, c'est la guerre et tu te trompes vénère. Si tu crois qui c'est les victimes, on les plaint. C'est Mafioso, Lyrical Clan, Incorrupricorp. Fidèle au poste, cousin, M2A, 2-7 sur le dossard. Et vu que les chiens bavent derrière, j'ai trop souvent le dos sale. J'oublie ça, la roue tourne même si parfois de travers. Entre sous-sol et commerce, la ligne trop la traverse. Donc ça se rabaisse, mais veulent nous regarder de haut. J'ai pour mater la mine, je vois pas mouiller billage dehors. J'ai un mètre de l'ordre, pour ces putes à 15€ la piste. Joue l'artiste et parade en première de l'affiche. Affligeant, MC Fashion se doit clasher. Rabâcher des tas de dossiers et s'arracher. Ça donne quoi? Un milieu qui s'entube sans cesse, un buzz propre. Aussi rare qu'un clip sans sexe. Alors je m'empresse de crier au ce que d'autres chuchotent. J'encule la polémique, personne ne causera ma chute. Juste une pierre lancée dans ce rap, mon vitrail. Vente n'est pas vitale, sinon j'inviterai Vita. T'as compris le concept, incorrupt jusqu'en concert. L'esprit HH, respect à ceux qui le conservent. Si c'est concept pour de l'argent aussi sale que Singa, stop le beat ou on claquera des lits de sa gueule. Singa, Broca, Cosa 9-3. C'est Zinka, respire pas de syncope. Zap la radio, tant mieux si toi ça capte. Nique la musique formatée, me rappe à la patate. Pas besoin de pharmacie, le vrai de H il faut remercier. J'rappe pour ceux qui s'y connaissent, pas pour les connasses. Attention petite pute, me salis pas comme as. Tu disais, tu vends pas tes sons, loser faut des sous. Dégage, vas-y, sors, pourquoi maintenant tu me suces? Reste à ta place, bah ouais, j'suis pas biche, j'm'en fous de caprice, t'as compris? Le caprice, leader et prince qui pèse, c'est qu'à ton price. Victoire de la musique ou Energy Awards, victoire du biche, j'vous baise et dis au revoir. Empathique, c'est un dé, j'ai genre RCDI, j'sors mes CDN, intégrité et mon domaine. Tous ces gauches et Inco, personne domine. Fais gaffe, ça pète, poteau, en effet y'a des mines. Seul j'me suis construit, chez moi l'espoir est constant. Rester simple, on garde, c'est l'essentiel et j'm'en contente. Toutes vos récompenses, gardez-les, car je viendrai pas. J'kiffe mon bus, RER, B, j'me vendrai pas. Empathique, incorrupt, Actéon, Sinka. Largué par des putes que j'vomis, alors j'me dis vaut mieux rester stoïque et ne pas écouter les statistiques. Quand j'vois que la merde est récompensée, c'est sadique. La pensée n'est pas universelle et ne tombe pas du ciel, mais émerge du sol. Comme un démon capricieux, bordel, contracte tes abdos dans tes clips foireux. Monde des salopes, on te montre tel qu'il est finalement. Aussi crade et vicieux qu'un mur couvert de limon. Mais un jour tu tomberas comme ce système qui veut nous serrer. Je me vendrai pas et je viendrai jamais dans vos soirées où les prêcheurs y vont pour se sauver. Demain iront se repentir avec une putain de gueule de bois. Je retourne pas ma veste. J'mate pas mes ventes parce que j'en fais pas. J'suis pas dans les bacs, n'y va pas si vite. Incorrupt n'est pas comme tous ces animaux en rute. C'est que le début augmente ton débit pour entamer la lutte. J'ai été map toute ma putain de vie merdique. On me vole, on m'escroque, on me pousse sur les docks. Comme mes parents, je dis j'ai toujours été honnête. Mais aujourd'hui la France va me payer sa note.